Nous sommes séparés depuis dimanche. Tuliachana tangia siku ya juma. Chacun de nous était dans ses occupations. Kila mmoja wetu alikuwa mu mahangaiko yake. Nous avons bien mangé dans nos maisons. Tulikula mzuri manyumba yetu. Mais la nourriture que nous avons reçue dans nos maisons ne peut pas nous donner la vie éternelle. Lakini vyakula vile tulikula manyumba yetu haviwezi kutukaburia uzima wa milele. Nous sommes bien assis dans nos canapés. Tunaikala mzuri makanape yetu. Et nous sommes bien couchés dans nos lits. Na tunalala mzuri mubitanda yetu. Mais dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de repos. Lakini mvile vitu vyote hamuna mapumziko. Le véritable repos se trouve en Christ. Mapumziko ya kweli inapatikana ndani ya Kristo. La véritable nourriture que nous mangeons, chakula ya kweli ile tuko na kuria, qui nous conduit à la vie éternelle, yenye kutongoza kubushima kwa milele, c'est la parole que nous recevons ici. Ni neno ile tuko na pokea hapa. Pouvons avoir des problèmes. Tunaweza kuwa na mambo. Pouvons avoir des difficultés comme des hommes. Tunaweza kuwa na magumu sawa banadamu. Et lorsque nous venons ici, lakini wakati tunakuja hapa, c'est dans la foi. C'est dans la foi. Ni ndani ya imani. Que Dieu répondra à notre situation. Mule ambayo Mungu atajibu mahitaji yetu. Et que la paix reviendra dans notre cœur. Na salama itarudia moyo yetu. Levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tu simame Dieu au somi à l'aile à l'aile. Seigneur, merci. Buona à santé. Tu es le seul gérant de tous les esprits. Uko mwongozi peke wa maroho yote. Chaque matin, tu donnes à chacun de nous une portion de souffle. Kila asubuhi uko nakabulia kila mmoja wetu kipande ya pumuzi. Pour que nous puissions vivre. Juu tupate kuishi. Nous vivons non pas pour faire nos affaires. Tuko naishi aina juu tupate kufanya makazi yetu. Tu ne donnes pas la santé pour chercher l'argent. Haulete afya juu ya kutafuta fedha. Mais tu nous donnes la santé et ton souffle pour chercher ta face. Lakini unatukaburia afya na pumuzi juu ya kutafuta uso yako. C'est pourquoi nous sommes ici. Ndio kwa maana tuko hapa. Parce que nous avons compris cela. Juu tulielewa ile. Descends au Père. Shuka au Baba. Viens construire nos âmes. Kuya ujenge manasi yetu. Et nous donnerons gloire à ton nom. Na tutarudisha sifa kumjina yako. Tous nos besoins sont devant toi. Mahitaji yetu yote yako mbele yako. Parce que rien n'est caché devant ta présence. Juu hakuna kenye kufichwa mbele ya uwepo yako. Nos difficultés et nos problèmes. Magumu yetu na mahitaji yetu. L'unique personne qui peut y accorder une attention, c'est toi. Mmoja ule anaweza kuyangalia ni paka wewe. Il y a ceux qui sont malades au milieu de nous. Kuko benye kwa bagonjwa katikati yetu. La guérison ne se trouve pas dans cette église. Matunzo haipatikani mu kanisa. Ni dans le pasteur. Au ndani ya mchungaji. Ni dans un frère. Au ndani ya ndugu moya. Mais la guérison se trouve dans tes maîtrises. Lakini matunzo inapatikana mu bilonda byako. Guéris les enfants des frères. Tunza batoto ya banduku. Guéris les frères et les sœurs qui sont malades. Tunza banduku na badada benikuwa bagonjwa. Nos âmes ont besoin de toi. Manasi yetu inakuitaji. Viens Seigneur Jésus Christ. Kuya Bwana Yesu Kristu. Donne-nous la vie. Tukaburie bujima. Et donne-nous ta vie. Na utukaburie bwako bujima. Que tu as versé en acceptant de briser ton sang. Ile ulimwanga mkuitikia kuvuja damu yako. Seigneur merci. Bwana asante. Bénis ta parole. Bariki neno yako. Bénis chaque frère, chaque sœur. Bariki la ndugu na kila dada. Souviens-toi de la famille de notre frère Charles qui est éprouvé. Kumbuka jamaa ndugu yetu Charles ambayo inapata kilio. Pas seulement la famille de notre frère, aina tu jamaa ya ndugu yetu, mais cette église qui est éprouvée, lakini hii kanisa ambayo inapata majaribu, parce que nous ne verrons plus notre frère Ndai, jua tutamwonaka tena ndugu yetu Ndai, qui pouvait chanter et prier avec beaucoup de joie, ule angeweza kuimba na kuomba na furaha mingi. Seigneur, Bwana, nous disons seulement merci. Tunasema tu asante. Parce que c'est toi qui me l'as donné. Dieu ni wewe ulitupatiaye. Et c'est toi qui l'as repris. Na ni wewe unamubeba tena. Merci Seigneur. Asante Bwana. Sois avec nous ce soir. Ukuwe pamoja nasi magharibi ya leo. Au nom de Jésus Christ. Mungine Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tuko na kuomba hivi. Amen. Amen. Dans Némi au chapitre 2. Munemi sura yake ya pili. Némi chapitre 2. Némi sura yake ya pili. Dans son verset 9. Mustari yake ya kenda. Jusqu'au verset 10. Kufika paka mustari yake ya kumi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Nilienda kumbele ya waliwali kule ngambo ya muto. Et je leur remis les lettres du roi. Na nilibakabulia mabarua ya mfalme. Qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Ule alinisindikiza na bakuwa bajeshi pamoja na bapanda farasi. Sambala les Oronites. Sambala les Oronites. Et Tobija les serviteurs Ammonites. Na Tobija mutumishi Ammonites. L'ayant appris, kisha boku pata ile habari, eut un grand plaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Bakaibeba na furaha mkubwa ya kusema alikuya. De plaisir. L'ayant appris, kisha bokui pata, eut un grand déplaisir. Bakakuya na chuki mkubwa. Bakasikitika sana. Bakasikitika sana. De ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Muvile mulikuya mtu ule mwana alikuwa anatafuta vizuri vya watoto wa Israel. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeze mabaraka kusomi ya neno yake. Depuis dimanche, tangia mujuma, nous avons entamé la troisième expédition. Tulianza na kule kutoka kwa tatu. De captifs de Juda qui était à Babylone. Ya bafungwa bayuda bale barikuya ku Babylone. Qui sont maintenant retournés en Juda sous la conduite de Némi. Bale barirudia sasa ku Yuda chini ya uongozi ya Némi. Nous vous avons dit dimanche ceci. Tulimionesha mujuma hivi. Némi n'a jamais été dans la première expédition. Némi ashia kuyaka kamwe mkule kwenda kwa kwanza. Il n'a jamais été dans la deuxième expédition. Ashikukuyaka ata mkule kutoka kwa pili. Il était resté auprès du roi dans son palais. Alibakiaka kando ya mfalme kule kunyumba yake. En train de le servir. Alibakia mkumutumikia. Zorobabel et Josué qui étaient dans la première expédition, Zorobabel na Josué bale barikuya mkule kutoka kwa kwanza, avaient déjà terminé complètement la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem. Balikuwa balisha kuisha kumaliza kuyengulula ekalu ya Mungu ku Yerusalema. Il y eut une deuxième expédition avec Ezra. Kulikuwa kutoka kwa pili chini ya uongozi ya Ezra. Que le roi avait envoyé pour aller instruire le peuple de Dieu. Ule ambao mfalme alituma juu enda kafundishe taifa ya Mungu. Comme nous avons déjà dit beaucoup de choses là-dessus, Ezra avait seulement une mission entièrement spirituelle. Ezra kwa tuna kazi kabisa kabisa tu ya kiro. Maintenant Néhémie qui était resté à Babylone. Sasa Néhémie ule alibakia kule ku Babylone. Son cœur n'était pas en paix. Roho yake haikukua msalama. Il pensait tout le temps à sa ville, Jérusalem. Alikuwa anawaza kila mara juu ya mji yake Yerusalemu. Et à ses frères qu'il avait précédé dans ce pays. Na kubanduku yake bale balimtangulia mwile inchi. Arrivé au mois de novembre décembre. Kufika kwa mwezi ya 11 na ya 12. Dans l'an 446. Mumwaka 446. Néhémie reçoit son frère Anani et ses frères qui l'accompagnaient. Néhémie akapokea ndugu yake Anani na banduku walianza kumshindikiza. Néhémie le questionna au sujet des rescapés de ses frères qui étaient à Jérusalem et il voulait connaître la situation de la ville. Néhémie akabauliza paile kwa naangalia bale banduku yake na mambo kwa naangalia muji. Anani répondit clairement à Néhémie. Anani akajibu wajuwazi kwa Néhémie. Il dit nos frères et vos frères. Banduku yetu na banduku yenu. Ils sont revenus de la captivité. Même après la reconstruction du temple, sont comblés du malheur. Beko benye kujazwa na ole. Ils sont couverts de l'opprobre. Ni benye kupinikwa na haya. Ils sont la risée de tout le monde. Beko ba mubujanja abantu bote. On se moque d'eux. Beko na bachekelea. On les méprise. Beko na bazarao. Ils sont vraiment malheureux. Ni beko kabisa baole. En ce qui concerne la ville de Jérusalem, kwa ile naangalia mji wa Yerusalema, les murs sont en ruine. Bibumbashi binesha kupomoka. Et ces portes continuent na être consumées par le feu. Na milango yayo iko naendelea kuteketezwa na moto. Quand Néhémie a pris cette nouvelle, wakati Néhémie alipata ile habari, il pleura beaucoup. Alilia sana. Et il passa plusieurs jours dans la désolation. Na alipita masiku ya mingi mu mauzuni. Mais il résolut de jeûner de prier. Lakini aliweka mipango ya kufunga chakula na kuomba. Pour que le Dieu d'Israël, Dieu Mungu wa Israël, le Tout-Puissant, Mwenyezi, qu'ils avaient retourné dans le pays, fasse quelque chose afanye kintu fulani, pour ôter l'opprobre sur les captifs de retour à Jérusalem. Juu ya kutosha haya kubale walirudia kwa Jerusalem. Et pour que la ville soit reconstruite. Na juu mji pate kuyengululwa. Il était sincère. Alikuwa wa moyo wa haki. Il pria beaucoup. Aliombaka mingi. Je crois que c'est l'attitude qu'un véritable chrétien doit avoir. Na wazia kusema ni hali ile Mkristo wa biakwera mpasha kwa nayo. Lorsque nous apprenons, wakati tunashikia, même dans l'église, hata mkanisa, même sur un frère, hata yule ya nduku, Même en ce qui concerne le foyer d'un frère. Où il y a un frère, un frère qui ne s'entendent pas. Ou une soeur qui sont en conflit. Ou quand un frère passe des moments de crise. Ou une soeur passe des moments d'épreuve. Lorsque nous apprenons cela, comme cet homme est une partie de nous, cela doit nous pousser à prier pour cet homme. Ou pour cette femme. Pour que la grâce de Dieu vienne à son secours. C'est l'attitude que nous devons avoir. Et souvent, nous ne faisons pas cela. Nous avons l'habitude, quand un frère ou une sœur passe des moments d'opprobre et de difficultés, au lieu de prier pour le frère, mais nous nous mettons du côté du méchant, du diable, ya shetani, nous commençons maintenant à les mépriser. Ce n'est pas un bon comportement. L'église est avec moi. Vous voyez, dans cet enseignement, il y a beaucoup de choses évangéliques que je ne vais pas toucher en profondeur. Vous voyez, quand j'ai fait une petite parenthèse, profitez-en pour allonger votre compréhension spirituelle. Sinon, je ne veux pas avancer. Notre attitude en tant que chrétien, nous, notre cœur doit être lié à cette église. Notre cœur doit être lié aux frères et aux sœurs. Les difficultés de cette église doivent être les vôtres. Le malheur d'un frère ou d'une sœur, ou les épreuves qu'un frère ou une sœur traverse doivent être les vôtres. Maintenant, si cela devient les vôtres, alors vous ferez une prière sincère pour le frère, pour la sœur, pour l'église, afin que les secours d'en haut viennent libérer l'église ou le frère ou la sœur qui est en difficulté. Il a beaucoup prié. Et pourtant il était bien. Il était dans le palais du roi. Il pouvait dire, mais ils étaient pressés à retourner. Ils ont subi les conséquences. Ils n'ont pas réfléchi de cette manière. Il savait que il était étranger là où il était. Et il devait retourner là où il y a ses frères. Et il était attaché à eux. Si nous sommes soudés les uns les autres dans l'église, notre prière sera très efficace. Et Dieu répondra toujours d'une manière positive. C'est ainsi qu'après sa prière, il était toujours triste. Il est allé servir le roi comme d'habitude. J'ai fait la révision de ce que nous avons vu dimanche. Avec un cœur triste, il est allé servir son roi, son seigneur. Alienda kutumikia mfalme bwana wake. Et le roi remarqua son visage triste. Na mfalme akaona hali yake ya huzuni. Et lui posa la question de savoir pourquoi il était triste. Na akamuuliza jua nini alikuwa mwenye kuhuzunika. L'homme de Dieu répondit. Mtumishi wa Mungu akajibu. Dans la sincérité de son cœur. Bien qu'il avait peur en tant qu'homme, parce que la présence du roi fait peur. Néanmoins, Dieu lui donna le courage. Et il lui dit, au roi. Kwa mfalme. Comment n'aurais-je pas un cœur, un visage triste? Je nini siwezi kuya na hali ya huzuni. Pendant que la ville dans laquelle on a enterré mes parents, wakati ile inchi, muji ile balizikia bazazi yangu, est détruite, iko yenye kupomonewa, et ses portes sont consumées par le feu. Na milango yao ni yenye kuteketezwa na moto. Le roi lui dit, mfalme akamwambia, maintenant, que veux-tu que je fasse? Sasa, unapenda nifanye nini? Regardez le comportement d'Anania et de l'ennemi. Angalia kutenda kwa Nemi. Avant de répondre au roi, bila kujibu mfalme, il alla d'abord prier. Akenda kwanza kuomba. C'est ce qui nous manque. Ile ndio inatukosea. Parce qu'il n'y a que Dieu qui incline le cœur des rois. Juu kuko paka Mungu la ninamishaka maro ya bafalme. Il est allé prier. Akenda kuomba. Pour que Dieu mette la réponse dans sa bouche. Juu Mungu apate kuweka jibu mukinywa chake. Et que Dieu incline le cœur du roi pour le laisser partir. Na Mungu ainamishe roho ya mfalme juu apate kumwacha aende. Et lorsqu'il est revenu de sa prière, il répondit au roi, si cela t'est agréable, si vous trouvez bon, kama ile nakupendeza, laisse-moi aller à Jérusalem, uniache niende ku Jerusalem, et rebâtir ma ville, kuyengulula muji wangu. Et Dieu toucha le cœur du roi. Na Mungu akagusa roho ya mfalme. Comme il avait encore besoin de lui, dit, ton voyage là et tout le temps que tu vas passer à Jérusalem te prendra combien de temps? Vile alikuwa kingali naye lazima akamuliza mashiku ile inaweza kubeba ile safari yake. Nemi ne pouvait pas lui fixer un temps parce qu'il savait pas ce qui s'est passé de l'autre côté, qui se passerait de l'autre côté. Nemi asikupasha kumuonesha mashiku ile tabeba jua sikujua mambo ile tapita kule ngambo. Menamwe lui fixa la période. Ata vile alimuonesha paka wakati. Dans laquelle il pouvait aller et s'occuper de la reconstruction de la ville. Mule angeweza kwenda na kuhangaikia kuyengulula kwa muji. Et c'est ainsi que le roi. Na ni muivi mfalme. Ordonna à l'homme de Dieu Néhémie, akaruhusu kwa mtumishi wa Mungu Néhémie, tout en lui remettant des lettres, mukumkaburia mabarua, pour qu'il aille les remettre au gouverneur qui gérait l'autre côté du fleuve. Juenda kapeleke kwa ule liwale alianza kuongoza kule ngambo ya inchi. Et nous avons dit, na tulisema hivi, que c'est à cette année, dans cette année, ni mwile mwaka, en l'an 445, mon mois 445, au mois de mars, kumwezi ya tatu, le 14, siku ya 14, le 14 mars, siku ya 14, l'an 445, mwezi ya tatu l'an 445, que le roi donne l'ordre à Néhémie de rebâtir la ville de Jérusalem. Ile mfalme analeta agizo ya Nehemia apate kuyengulula muji ya Yerusalema. Et c'est cette date, na ni mui date, qui annonce le début, ile kuna tangaza, iko naonesha mwanzo, des 70 semaines de Daniel, ya majuma 70 ya Daniel. Les 70 semaines de Daniel, majuma 70 ya Daniel, n'ont pas commencé avec l'ordre du rétablissement du temple de Dieu, non. Majuma 70 ya Daniel haikuanza na agizo ya kuyengulula hekalu, hapana. On ne commence pas à compter abanze les 70 semaines de Daniel, majuma 70 ya Daniel, à partir kwanzia de l'ordre de rebâtir la maison de Dieu, non. Mwagizo ya kuyengulula nyumba ya Mungu, hapana. On ne commence pas à compter les 70 semaines de Daniel, abanze kuhesabu majuma 70 ya Daniel, même au moment où Ezra hata mwakati mule Ezra est allé instruire les captifs à Jérusalem, non. Mais selon Daniel chapitre 9, dans son verset 25, c'est depuis le moment où l'ordre a été donné de rebâtir ya la ville Muji, jusqu'à loin il y a 7 semaines kuko majuma saba, et 62 semaines na majuma makumi sita, na vous voyez munaona? Donc on commence nanzia, les 70 semaines de Daniel, majuma makumi saba ya Daniel quand le roi Atarzesex, wakati mufalme Atarzesex donne l'ordre à Néhémie. Anakabula agizo kwa Néhémie. Jusque là, je pense que tout le monde a compris, même ceux qui n'ont pas compris dimanche. Atakufikia pale na wazee kama mtu. Est-ce que c'est bien compris? Eti mnafuata mzuri? Jusque là, il n'y a pas de problème. Kufikia pale pale hakuna mambo. Maintenant, arrivé à Jérusalem. Sasa kufika kwa Yerusalemu. Il y avait des ennemis qui ne voulaient pas le bien-être des Juifs. Ariona badui bala bakupendaka ma kustairi kwa bayuda. Tu as bien interprété. Kulikuwa badui bale bakupenda maendeleo ya bayuda. Oui. Ces ennemis ayant appris bale badui kisha kushikia qu'il y a un homme qui vient de Babylone pour le bien des Juifs, kulikuwa mtu ule anatokea ku Babiloni juu ya vizuri vya Bayuda. Ces gens n'étaient pas contents. Bale bantu abakufurahi. Ils ont reçu cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Walipokea ile habari na huzuni mingi. Ils voulaient continuer à voir les Juifs dans l'opprobre, Bayuda Mouaya, dans le mépris, Mukazarau, dans la honte. Mouaya. C'est vrai, frère. Nikweli Nduku. C'est pourquoi nous avons fait un petit point ici pour dire. Depuis que le monde existe, tangia ulimwengu kwako, les ennemis de Dieu baadui ba Mungu n'ont jamais été contents du bien-être abaya furaiwaka kamwe kustahiri kwa batoto ya Mungu. Ils ne veulent jamais voir wapendai kuona le peuple de Dieu en paix, batoto ya Mungu msalama. Votre bénédiction, baraka yako, votre paix, salama yako, votre succès dans ce que tu fais, maendeleo mobile uko nafanya, attriste les ennemis de Dieu iko na huzunisha baadui ba Mungu na baadui bako. Quand l'église prospère, wakati kanisa inaendelea, elle est en paix, inakuwa msalama. Il y a des gens qui ne sont pas contents, huko bantu bala bafurahiwe. Il y a des gens qui prient pour qu'il y ait du trouble dans l'église, que l'église soit dispersée afin que l'œuvre de Dieu s'arrête. Ils sont contents quand l'église ne marche pas. Le succès des enfants de Dieu, maendeleo ya watoto ya Mungu, le succès de l'église, maendeleo ya kanisa, les attristes, iko na bozunisha, et les met en colère, na iko na bashirikisha. Il n'y a que des enfants de Dieu, uko paka batoto ya Mungu, il n'y a que Dieu, ni paka Mungu, qui veut voir, ula napendaka kuona kanisa yake, et son peuple, na taifa yake, avoir du succès, ipate kwa na maendeleo, dans tout ce qu'il entreprend, mubiote bile kuna fanya. Tout véritable fils de Dieu, mtoto wa Mungu wote wa vya kweli, tout véritable fils de Dieu, binti wote wa vya kweli wa Mungu, il est dans la joie, anekalaka mfura, de voir l'église prospérer, kuona kanisa inaendelea, et de voir les frères et sœurs, banduku na badada, na boba naendelea. Il est content de voir, anasikia kafura kuona l'église à la paix, kanisa msalama. Ouais, bien mes frères, unaona ndugu mpendwa, Et là aussi, na pale napo, il y a tout un enseignement. Koko mafundisho mzima. Mais je ne peux pas aller là-bas parce que je vais traîner là longtemps, on ne va pas avancer. Ntashimama sana kule, muda mrefu tutaendelea. Mais vous qui êtes spirituel, comprenez mwelewe, que si tu es fils de Dieu, kama uko mtoto wa Mungu, les ennemis de Dieu baadhi ba Mungu, qui sont utilisés par des démons benye kutumikisha na et Satan lui-même, na shetani mwenyewe, ne sera jamais content de te voir heureux. Ashita kwa kamu enafura kukona we unendelea. Ton bonheur yako, le met en colère. Iko na mushirikisha. C'est vrai. Ni kweli. C'est ainsi quand ces gens ont vu cela. Wakati bale bantu waliona vile. Nehemi ne pouvait pas faire cas de cela. Nehemi ashikupasha kuangalia ile. Il se leva pour faire la tour du ville, de la ville. Allez, la moka Dieu a kujungulu kamuji. C'est lui que Dieu avait donné le plan de la reconstruction de la ville. Niye Mungu alikaburia mapui ya kujungulu la muji. Il a sillonné la ville de Jérusalem détruite. Allez, jungulu kamuji Jérusalem kupomoka. Pour se rendre compte de ce qu'il avait entendu. Dieu a pate kuona ile alishikia. Il voulait être témoin au clair de ce qu'il avait reçu comme rapport. Après, avoir fait sa visite, il est retourné maintenant vers les conducteurs des Juifs et vers le peuple pour leur dire, venez maintenant, levez-vous, répartissons la ville qui est détruite. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Na atuta kwa tena mwaya. Et quand les véritables fils d'Israël, wakati les Juifs, batoto ya biakweri ya batoto Israël barishikia, ont entendu Néhémie avec ses paroles, barishikia Néhémie na ile masauti, après qu'ils aient raconté tout ce qui s'était passé à Babylone, kisha ye kufasiria yote ilifanyika ku Babylone, comment le roi l'avait chargé de venir rebâtir la ville, vile mfalme alimkaburia kujito wa kuya kuingulula muji, ils se fortifièrent, bote bakapata nguvu. Et là nous avons encore dit, na pale tulisema tena, la parole de Dieu, neno ya Mungu, fortifie, inaletaka nguvu, c'est lui qui s'affaiblit, ule wote mwenye kwa mzaifu. Quand nous nous confions en Dieu, nous renouvelons nos forces. La parole de Dieu que nous écoutons tous les jours, c'est une nourriture qui nous donne de l'énergie pour nous fortifier dans notre marche chrétienne. Quand nous écoutons la parole, mettons-nous à l'œuvre. Et Dieu bénira notre travail. Mais quand Israël s'élève pour construire, les ennemis se moquent, s'élèvent pour se moquer. Et pour mépriser les Juifs. Qu'est-ce que vous faites là? Anasema, ni nini le munafanya pale? Vous rebâtissez la ville, c'est pour vous révolter encore? Muko na yongulula muji ni juu mpate kutomboka tena? Vous n'avez pas compris la première leçon? Mwea mukuelewa mafundisho ya kwanza? Néhémie était serein. Néhémie alikuya serein. Na moyo wa nguvu. Il dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. Akasema shitu kwa watumishi ya Mungu. Nous nous levons pour rebâtir la ville. Tunalamuka juu ya kuyengulula muji. Et notre Dieu qui nous a envoyé ici nous donnera du succès. Na ule Mungu wetu alitutuma hapa atatukaburia ushindi. En d'autres termes, nous en foutons de ce que vous dites. Atushituke mbele Mungu nasema. Nous sommes partis en captivité sur l'ordre de Dieu. Tulienda mbutuma kufatana na agizo ya Mungu. Sur l'ordre de Dieu. Tunarudia kwa agizo ya Mungu. Nous allons bâtir la ville sur l'ordre de Dieu. Kufatana na agizo ya Mungu. Et le Dieu qui nous a ramené. Na Mungu aliturudisha. Fera réussir. Atawezesha. Hii kazi. Il disait la vérité. Alianza kusema ukweli. C'est pourquoi nous avons dit dimanche, dans l'œuvre de Dieu, vous devez savoir ce que vous êtes et ce que vous faites. Si tu te reconnais fils de Dieu, et tu es sûr que tu as Dieu, tout ce que tu as Dieu, tu as Dieu. Et tout ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu. Na biote unafanya ni mapenzi ya Mungu. Vous n'avez pas à craindre. Aona na kia kuogopa. Vous aurez du succès. Utakuwa paka na maendeleo. Et vous montrez votre foi. Na kuonyesha imani yako. Commencez à les proclamer. Uanzie kuitangaza mbele ya bantu wote. Fais mui mambo. J'aurai du succès. Mimi nitaweza. Yeah. Mungu. Me donnera du succès. Atanikaburia kuendelea. Vous n'avez pas le droit de vous décourager. Vous n'avez pas le droit d'écouter les démons. Vous n'avez pas le droit d'écouter les démons. Oh, ni pas légaliste. Utaweza. Ce sont des démons. Ni mapepo mchafu. Mais celui qui a reçu l'appel de Dieu et qui connaît où il se tient ne peut pas prêter oreille à ces choses-là. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ils se sont moqués lorsqu'ils ont vu qu'Ennemi et les Juifs ne se découragent pas. Ils fait des plans pour aller attaquer les Juifs afin de créer des dommages pour que l'œuvre s'arrête. Il fallait qu'il crée des incidents pour que l'œuvre s'arrête. Il voulait faire la guerre à Israël parce qu'ils étaient déjà engagés dans cette guerre. Vous voyez, Munaona. Mais lakini, il y a eu des Juifs kulikuwa bayuda qui habitaient à côté de ses ennemis, bali walikuwa karibu na baadui, qui étaient informés du plan, bali yua, plan bali jua kele mapu yabo, qui sont venus bali vers Néhémie et pour lui donner l'information. Dieu a kumulete habari. C'est ainsi que Néhémie, mwile wakati Néhémie, pris des mesures akabeba sasa mipango pour protéger ses frères juifs, afin que l'œuvre de la reconstruction continue. Kusudi kazi ya mayengo ipate kuendelea. Et qu'est-ce que l'ennemi avait fait? Na nini le ennemi alifanya? Il divisa ses frères en deux groupes. Akakabula banduku yake muipande mbili. Un groupe. Ipande ya kwanza. Juu ya kuyenga. Un groupe pour veiller. Na kingine juu ya kukesha. Na kukombana badui. Même ceux qui bâtissaient. Hata wale walikuwa naenga. Avec une main, ils construisaient. Na mkono mmoja baranza kuyenga. Na mkono mwingine. Ils avaient une arme pour se défendre. Barikuwa na silaha ya kujikombana. L'église est avec moi. Kanisa iko na nifuata. Un temps de guerre. Ilikuwa ni wakati ya vita. La Bible a appelé cela un temps fâcheux. Biblia inaita ile kusema wakati mubaya. On appelle un temps de trouble. Wakati ya fujo. Ils n'ont pas, les Juifs n'ont pas reconstruit. Bayuda bakuyengulula. Jérusalem dans le temps de la paix. Non. Jérusalem mu wakati ya salama hapana. Au moment de trouble. Ilikuwa ni wakati ya fujo. Wakati ya vita. Ils avaient en face de leurs ennemis. Mbele yao kulikuwa baadui. Et de l'autre côté, ils avaient l'œuvre de Dieu qui devait faire. Na kungambo ingine kazi ya Mungu batapasha kufanya. Et ils étaient armés de cette manière. Na barikuwa benye kujipanga mwile namna. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas baisser les bras. Mu kazi ya Mungu hapana kufunga mikono. Il n'y a jamais eu de victoire. Hakuya kuyaka ushindi bila kukombana. Regardez dans toutes les époques, quand Dieu veut faire quelque chose de bien à son peuple, les contre-attaques de l'ennemi kukombanisha kwa adui se révèlent toujours. Kuna lamukaka kila mara. Vous voyez, munaona, Ils avaient pris des dispositions. Il y avait des sentinelles qui veillaient. Pour suivre les mouvements des ennemis. Comme le peuple était moins nombreux. Néhémie dit ceci. Néhémie a kasema hivi. Lui comme un commandant, il s'éteint. Yes, à une place. Ça vile commandant na chemin. Il est parti à. Akazambarisha taifa yote. À la construction de la ville. Mukuyenga mukini. Il leur donne l'instruction et dit. Akabapa agizo na kusema. Comme nous sommes nombreux. Ça vile tuko kiloko. Et que l'ouvrage est considérable. Na fukaji kumunene. Nous sommes éparpillés. Tuko benye kuzambalala. Je me tiens à côté d'une sentinelle qui a des trompettes. Na ikala karibu na njamu mwenye kwa na parapanda. Vous qui construisez là-bas. Mwe benye kuyenga kule. Dès que vous entendez la trompette. Wakati unashikia parapanda. Revenez vers moi. Mukuye huko kwenye mimi niko. Rassemblez-vous autour de moi. Mukusanyike kando kando yangu. Voyez, vous contre-attaquez l'ennemi. Je tupate kumbana na adui. Et après nous allons retourner à la reconstruction. Na kisha tutarudia tena mkuyengulula. C'est ainsi que Dieu aussi ni mwile namu na Mungu naye avait désorganisé le plan de l'ennemi. Aliharibisha mapu ya adui. Némi disait à ses frères, ne les craignez pas. Némi alambia banduki yake mshibaogope. Pourquoi? Dieu a nini? C'est lui qui est convaincu de Dieu. Ule mwenye kwa na kikisho ya Mungu. C'est lui qui a Dieu. Ule mwenye kwa na Mungu. Ne craint rien. Ashogopake kintu. Pour un chrétien. Kwa mukristu. Chaque jour que tu te réveilles. Kila siku kuna lamuka. Je te dis. Mungu anakuambia. Ne craint rien. Ushogope kintu. C'est ce qui nous donne de l'assurance. Ile ndio kuna tupatia hakikisho mbele tukunafanya. Pourquoi nous ne devons pas avoir la crainte? C'est parce que le Dieu qui est avec nous combattra pour nous. Nous ne sommes pas vainqueurs par nous-mêmes. Nous sommes vainqueurs par celui qui est avec nous. Ennemi exhortait le peuple de cette manière. Ennemi a rikankamisha taifa mwile namna. C'est ainsi qu'ils sont construits. Mwile namna barienga. Il continue à travailler. Barendelea kutumika. À cette œuvre. Kuile kazi. Pendant la journée, il travaillait. Mwitana baritumika. Avec des sentinelles qui contrôlaient les mouvements. Na banjamu baranza kuangalia. Et pendant la nuit. Na usiku. Il veillait tous. Baranza ukesha bote. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Et chacun avait ses armes. Na kila moja na silaha yake. Ils avaient les vêtements qui ne quittaient pas. Qui ne quittaient pas leur corps. Parce que c'était un temps de guerre. Ils ont bâti Barienga la ville avec l'épée à la main dans un temps fâcheux. C'est vrai, frère. Mais regardez. Lakini angalia. Il me reste combien de temps? 20 minutes. On va voir comment le Seigneur va faire dans ces 20 minutes. Tutaona namna kani Mungu atafanya mwi wakati. Mais regardez comme Satan ne dort pas. Sasa angalia sasa vile Shetani ashilalaki. Satan, Shetani attaque anakombanishaka de l'intérieur comme de l'extérieur. Sa inje sa vile ndani. Après avoir vaincu l'ennemi de l'extérieur, kisha boku ina adui ule wa inje, la guerre n'est pas terminée. Vita faut pas dormir. Marizika hapana kulala. Ce n'est pas pour rien que j'ai repris ça. Aina kwa bule ndirudilia ile. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris dimanche. Kuko ba mingi abakuelewa mujuma. Satan attaque aussi de l'intérieur. Shetani anakombanishaka tena ndani. Une désorganisation interne. Matengenezo moya. Non. Fujo moya ya ndani. Et plus dangereuse. Iko ya tari sana. Que une attaque extérieure. Kupita kukombanishwa kwa nje. Maintenant, les chefs. Ça va kubwa. les conducteurs, les juifs, biongozi ba Yuda, au lieu de traiter bien leurs frères, bali ba kutendea mzuri ba ndugu yabo, ont commencé à exploiter les captifs devenus de Babylone. Barianza sasa kuteswa ba batfungwa ba kutoka ku Babylone. Satan est entré, Shetan alingia, dans les chefs des Juifs, mubakubwa baba Yuda. Ils ont commencé à maltraiter leurs frères. Balianza kuteswa banduku yabo. Pour que soit bien. Jubo bapate kuwa mzuri. Par cupidité. Kupitia kupenda kwa mno kwa feza. Ils maltraitaient leurs frères. Balianza kuteswa banduku yabo. Et il y a eu des plaintes. Na kukakuya manunguniko. Le pauvre. Ba maskini. Sont allés se plaindre maintenant devant Néhémie. Bakenda sasa kupelekele mambo kumbele ya Néhémie. Les uns sont venus pour dire. Ba moya balikuya juu ya kusema. Nous avons des grandes familles. Tuko na majama minene. Nous avons beaucoup de garçons et beaucoup de filles. Tuko na babinti mingi na babiana ba mingi. Mais que nos chefs nous donnent à manger pour vivre. Bakuba yetu batukaburia byakula tupate kuishi. Satan voulait. Shetani alipendaka. Les tuer par la famine. Kubaua kupitia njala. Et quand ces pauvres sont allés se plaindre. Na wakati bale bamashikini walipelekele mambo. Nous sommes des familles nombreuses. Matoko majama mingi. Nous n'avons pas mangé. Atona na byakuria. Nous réclamons à manger. Tunalomba byakuria. Pour qu'on vive. Je te bate kuishi. Les chefs, nos chefs. Bakuba yetu. Ne nous donne pas de la nourriture. Atupatie tena chakula. Ça devait être. Bile bilipasha kuya. C'était la première plainte. Ile ilikuwa ni mastaki yabo ya kwanza. Les autres sont venus. Bengine barikuya. Ils ont accusé le chef en disant. Baristaki bakubwa yabo mkusema. Regarde comment se comporte nos chefs. Angalia namna bakubwa yetu beko na jongoza banduku yetu. Pour vivre. Dieu a kuishi. Pour manger pendant la famine. Dieu a kula wakati ya njaa. C'est nous qui devons leur prêter. Nous devons les prêter nos champs. Ni chetu tulipasha kubakongosha mashamba yetu. Mitabibu yetu na manyumba yetu. Pour avoir le blé. Juu ya kupata ngano. Parce que c'est qui gère le blé. Juu ni bobe kunaongoza ngano. Mais nos champs que nous avons hérités de nos pères. Lakini mashamba ile tulirithi kwa wazazi yetu. Nous n'avons pas encore cultivé. Che balo hata kuilima. Les petites maisons que nous avons. Tu manyumba tuloko tuko nazo. Vous allez vers les chefs. Wakati nenda wakubwa. Vous leur demandez le blé. Joko wakabri olomba ngano. Nous vous donnerons le blé. Tutamikabria ngano. À condition que vous nous donnez quelque chose en gage. Ni paka tu kama unatukabria kitu kia shiku chunga. Alors, pour avoir le blé, vous nous donnez d'abord une maison. Nyumba. Quelle méchanceté. Roka ni mubaya ile. Les gens qui venaient à peine d'échapper au feu, bantu wale baritoka kuponyoka kumoto, qui étaient des pauvres, benye barikuwa ba mashikini, on les dépouillait. Beko na bavula sasa bitu byote. Et le troisième groupe est arrivé pour dire, Némi écoute. Na kikundi kia tatu ilikuwa kumambia Némi siwe. Comme nous devons payer des taxes au roi. Vyo tunapasa kulipa mampalata kwa mfalme. Il nous faut aller leur emprunter l'argent. Tunapasa kuenda kubakongola feza. Tout en donnant aussi. Na mkuleta tena. Nos maisons. Manyumba yetu. Nos champs. Mashamba yetu. Mizabibu yetu. Savile kia kuo kuchunga. Tu payes des taxes. Dieu a kulipa ile mapalata kwa mfalme. Et en plus de cela. Na yulu ya ile. Nous sommes quand même un seul peuple, le même peuple. Tuko ata vile taifa moja. Ce sont nos frères. Ata ni bakuwa ni bandugu yetu. Tunatoka nabo kubutumwa. Tuko mwinchi nchi na hapo pamoja. Baba babiana yetu, baba babinti yetu. Bana wafanya babitumwa. Mnaona? Entre nos enfants et leurs enfants, il n'y a pas de différence. Katikati ya watoto wetu na watoto wao, shee nabo. Tuko taifa moja. Yaani ni bora jiongoza mwile namna. Quand Némi a pris, il a entendu cela. Wakati Némi arishikia ile sasa. Il s'est mis en colère. Arishirika. Contre ses chefs. Ku bale bakubwa. Arishirikia bale bakubwa nduku. La cupidité. Kupenda kwa mnoko wa fedha. Parmi les conducteurs. Katikati ya viongozi. Prennent l'œuvre de Dieu. Inashimamishaka kazi ya Mungu. La cupidité. Kupenda kwa mnoko wa fedha. Parmi les conducteurs. Kati ya viongozi. Tue l'œuvre de Dieu. Inauaka kazi ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Au lieu de donner l'argent ou de libérer l'argent ou la nourriture. Pali pa kukabula makuta au kabula chakula. À leurs frères pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Kubanduku yao juu kazi pate kuendelea. Mais et ils voulaient dépenser cet argent. Lakini bo walipenda ka. Pour leurs propres intérêts égoïstes. Ile fedha na ile chakula wapate kuitumia juu ya choyo yabo na roho yabo mubaya. Quand un pasteur. Wakati mchungaji moyo. Quand le conducteur. Wakati biongozi. Son cupide. Ni bakupenda mno fedha. Nduku. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Kazi ya Mungu haiwezi kwenda kumbele. La cupidité. Kupenda kwa mno kwa fedha. Et la recherche immodéré ni kutafuta kwa shiko kuu ya kuzuri qui dépasse toute mesure yenye inapita aliyote, c'est à dire ni kusema tous les moyens aliyote sont bons iko mzuri pour avoir l'argent juu ya kupata fedha. Tous les moyens sont bons manjia yote iko mzuri juu ya kupata bintu. Tous les moyens sont bons manjia yote iko mzuri juu ya kupata manyumba. Manjia yote ni mzuri ya kupata magari. Tous les moyens sont bons. Manjia yote ni mzuri ya kupata mashamba. S'il faut tuer. Kama inapasha kuua, kuiba, kuibia, kulanda. Tous les moyens là. Manjia yote ile iko mzuri. Kwa mtu anapenda fedha ya mno. Juu. Sa propre intérêt. L'église est avec moi. Ya mafaida yake mwenyewe. L'église est avec moi. Eti kanisa unanifuata. Recherche immodérée de gain. Kutafuta kwa shiko kwa kuzuri kwa fedha na kwa mali. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. On recherche les richesses. Mungu anatafutisha mali. On recherche l'argent. Mungu anatafutisha fedha. On recherche les biens. Mungu anatafutisha bintu. D'une manière immodérée. Munamna ya shiko kwa mzuri. On dépasse même les mesures. Munapitisha ta kipimo kenyewe. Non frère. Apana nduku. Non ma soeur. Apana dada yangu. C'est pas vous voyez. Ndio kama mpo naona. Dans de ta exode. Mokutoka. Tout ce que j'ai dit ici c'est je suis au chapitre 5 de Néhémie. Hivi vyote niko nasema hapa ndiko sura ya 5 ya Néhémie. Exode au chapitre 18. Kutoka 18. La cupidité des conducteurs ou des chefs. Kupenda kwa mno kwa fedha kwa viongozi au bakubwa. Détruit l'œuvre de Dieu. Kuko na haribu kazi ya Mungu. La cupidité des conducteurs. Kupenda kwa mno kwa fedha kwa viongozi. Yole même la justice. Kuko na haribu ata waki. La cupidité des conducteurs. Penda kwa mno kwa pesa wa viongozi. Créer des sectes parmi le peuple. Kuko na anzisha binkunji katikati ya taifa. La cupidité parmi les conducteurs, crée l'acception des personnes. Kuko na zala ubaguzi uchakuzi. Dans Exode 18, Mukutoka 18, mstari wa 12. Regardez quand Dieu voulait choisir les conducteurs du peuple. Angalia wakati Mungu alipenda kuchakula ba viongozi wa taifa. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables. Chakula katikati ya mataifa ya taifa yote. Kenya Dieu. Kenye kogopa Mungu. Des hommes intègres. Watu wenye kunyoloka. Ennemi de la cupidité. Bashipo kupenda fedha kwa mno. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Mais ces chefs qui se trouvaient parmi les captifs de Judas étaient des cupides. Ils aimaient les biens. Ils aimaient Marie, Banapenda Franga, Banapenda Bintu, Banapenda Mashamba. C'est pourquoi quand quelqu'un venait, dis-moi d'abord, tu donnes ta maison. Pour te donner le blé, donne d'abord ta maison. Leta vele nyumba yako ndio takupa mali. Mnaona? Vous voulez payer les taxes du roi? Unapenda kulipa falata ya mfalme? Donne ta vigne. Leta mbele mzabibu yako. Comme garantie. Sa vile kia kuchunga. Vous voyez frère? Mnaona nduku? La cupidité kupenda kwa mno kwa feza n'est pas une bonne chose. Haina kitu kizuri. Dans la conduite des conducteurs. Mwenendo wa viongozi. Beaucoup d'églises tombent parce que les conducteurs sont cupides. Kanisa mingi wanaanguka juu viongozi wanapenda feza mno. Les dénominations ne prospèrent pas parce leo, que les conducteurs sont cupides. Viongozi wanapenda feza mno. Ils veulent récolter même là où ils n'ont pas semé. Ils peuvent voler. Ils peuvent tromper. Ils peuvent escroquer. Tout ça pour avoir l'argent. Ils peuvent même créer des sociétés fictives dans l'église pour voler l'argent des gens. Makampuni juu ya kuiba makuta ya bantu. C'est vrai. C'est pourquoi ceux qui se livrent à la cupidité se perdent. Comme Proverbe chapitre 1, verset 19 le dit. Mais... Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Commençons verset 18. Et... C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Nabo ni ku damu yabo beko naleta bikwazo. Ni kubanduku yabo. C'est contre leur propre sang. Ni kubanduku yabo. Qu'ils dressent des embûches. Kule beko natega bikwazo. C'est à leur âme. Ni kubanafsi yabo. Qu'ils prennent qu'ils tendent des pièges. Mule beko natega miteko. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui se livrent. Kupenda kwa feza kwa mno kuonekala mkuleta kupotea kwa bali unajitoa hako. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Ni kweli dada yangu. Un conducteur cupide. Kiongozi wa kupenda feza mno. Ne regarde qu'à ses propres intérêts. Anangaria katu kumafaida yake ya moto ya kutendelea. Il ne s'intéresse pas à l'intérêt du peuple. Ashangaiki yake faida ya taifa, ta faida ya taifa. Il ne le considère pas. Ashiangaria yake. Quand lui il est bien, c'est tout. Wakati ye kama tu yuko mzuri tu kunaishi. Même si les autres souffrent, ce n'est pas son problème. Quand lui est rassasié, c'est bien. Mais même si les autres dorment affamés, il n'y a pas un problème parce que lui a déjà mangé. C'est C'est vrai. C'est la méchanceté. Romubaya. C'est quoi vous voyez même dans la Bible, dans Lévitique. Dieu avait donné des lois à Israël. Après le retour de la captivité de l'Égypte. Dans Lévitique au chapitre 25. Prenons d'abord le verset 36. Tu ne tireras de lui. Ok, commençons verset 35. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Utafanya vile vile hata kwa mgeni mwenye kuikala muinchi kando yako chapate kuishi kwa dunia. Tu tireras de lui ni intérêt ni jus. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Hautabeba kwake au faida au kutafuta kumwibia juu nduku yako apate kuikala kando nawe. C'est vrai. Kweli. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Hautamkongosha makuta yako juu apate kupatia faida. Tu ne lui prêteras point de vivre à Jésus. Naota mukaburia biakuria biakuaribika. Non non. Utalurish. Biakuria biakurudisha biayu. Voyez. Non. Je suis l'Éternel ton Dieu. Niko amire le monde wako. Qui vous a fait sortir de pays, du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Cana pour être votre Dieu. Niko amire le monde wako arikutosha mu inchi ya Misri jua ukaburia inchi ya Cana. Si ton frère devient pauvre près de toi et qui se vend à toi, tu lui imposeras point le travail d'un esclave. Aweze kumutwika kazi ya mtumwa. Vous voyez, mnaona, il sera chez toi comme un mercenaire, atakuwa kwako msamu tu mwekutumikia mshahara, comme celui qui demain samwe kuikala. Et il sera à ton service jusqu'à l'année de jubilé. Et il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, il retournera dans sa famille, dans sa propriété, chez ses frères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme esclaves. Vous voyez, frère. Parce que Dieu sait que partout il y a son peuple, il y a des pauvres. Mais c'est ce que les chefs, au temps de la reconstruction de la ville de Jérusalem, n'ont pas fait. Ils n'ont pas traité leurs frères honorablement. Ils ont brisé cette parole. Barivunja ineno tunatokea mkusoma hapa. Vous voyez? Mnaona? C'est de la méchanceté. Ilikuwa ni roho mbaya. Dans le verset 46. Makumi inena. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Muta yacha uriti kwa watoto wenu sawa vile. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mutabachunga sawa tuma mimi. Wale ni wapagani. Voyez. Unaona. Mais à l'égard de vos frères, enfants d'Israël. Lakini kwa ndugu wenu. Aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Anapasha kutawala na ukali yule ya ndugu yake. Voyez. Unaona. Tu peux prêter à intérêt un païen. Unaweza kuongosha kwa faida mpagano. Ce n'est pas un problème parce qu'il y a gens qui ne comprennent pas aussi. Aina mambo. Tu peux prêter à intérêt. Unaweza kuongosha kwa faida mpagano. Mais à votre frère, lakini kwa ndugu yako hapana. Pour Israël, Dieu Israël, avait refusé. Mungu alikatala. Que les Juifs, ba Yuda, prêtent à leurs frères. Ba kuongosha kwa ndugu yabo. Intérêt ou par Jésus. Bintu juu ya kupata kwa faida. Lakini alibaruhusu baifanye kubapagano. Uwaye. Unaona? C'est pourquoi. Ndio kwa maana. Nehemi les a repris. Nehemi alibakemea. Nehemi les a repris. Nehemi alibakemea. Il dit ce n'est pas possible. Anasema haiwezekani. Vous ne devez pas le faire. Amupashe ufanya. Dans Ézéchiel. Mu Ézéchiel. Chapitre 18. Je vais bientôt m'arrêter. Nous allons continuer demain. Ézéchiel chapitre 18. Au verset 5. Vous pouvez aller jusqu'au verset 9. Musare atano. L'homme qui est juste. Mutu mwenye kuwa wa haki. Qui pratique la droiture. Mwenye kutumikia wa haki. Et la justice. Wa haki na unyofu. Qui ne mange pas sur les montagnes. Mwenye ashikulae kumulima. Et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Na telamushe macho kumasana. Qui ne déshonore pas la femme de son prochain. Ule ashitende mubaya bibi wa nduku yake. Et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Na ashichofe mwanamke wakati. Qui n'opprime personne. Ule ashi. Qui rend au débiteur son gage. Donc gage, kulurishia ula mkongo la kile alipoteke. Voyez, ni ne commet point de rapine. Donc achibe, qui donne son pain à celui qui a faim. Et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. Qui ne prête pas a intérêt et ne tire point du jus qui détourne sa main de l'iniquité et qui juge selon la vérité entre un homme et un autre. Vous allez continuer jusqu'à la fin. Vois bien mes frères. Vois bien mes soeurs. En tant que fils de Dieu et fille de Dieu, il est déjà dans cette église. Babinti na batoto wanome ba Mungu. Nisha kusema kwa mwe kanisa. En tant que frère en Christ, Christ, nous devons développer au milieu de nous un esprit d'entraide. Tunapasha kuonesha katikati yetu roho ya kusaidiana. Iko mzuri zaidi kusaidiana kuliko kuanza kukongoshana kama tuko navyo. L'église avec moi? Kanisa inanifuata. Dieu sera content de toi. Mungu atakufurahikia. Dieu sera content de moi. Mungu atanifurahikia. Si j'ai quelque chose, tu as quelque chose. Kama niko na kitu cha kusaidia ndugu yako. Au lieu de lui prêter. Bali pa kumkongosha. Naona. Il faut lui donner. Inapasha tu mukapulie. Aide-le. Umsaidie. Afin qu'il vive avec toi. Dieu apate kuishi pamoja na wewe. Ndio mapenzi kamilifu ya Mungu. Dieu te donne suffisamment beaucoup de choses. Mungu anakupa bintu bya mingi. Pour assister. Dieu kusaidia. Venya bana nabio. Dieu ne te donne pas. Mungu ashikupe. Pour le prêter à intérêt. Dieu upate wakongosha juu ya faida. Vous rendez mal. Vous les rendez malheureux. Uko na bafanya bana kwa kuteswa. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. Frère moi na kongola $50. On a seulement notre frère. Awe kulurisha parurisha hako 70. Pala nako kukongola. Nijue konayi. Sijue ananayi. Kile kina kuya kumukongosha. Kina mufikisha kwa kukongole. Ni mateso mule ambao. Eko napita. Metina anawa kukongola. Kazi yenyewe ya kudurisha ile $20 ya yulu ana nayo. Anapicha mwezi mmoja anasema no frère, vile ambao akulipe hii nani, una ni kazi niko nafanya, utadurisha tena ile $20 ile inakuwa interest inakuwa ngapi? Inakuwa nonani $40. Maintenant ile mande mile ma interest uko napalisha dada yako au ndugu yako. Uko na msaidia au uko na muua? Vous êtes l'ennemi de l'âme du frère. Uko adui wa nafsi ya ndugu. Vous le rendez malheureux. Uko namfanya akawa ole. Anakuwa ole mwanamke. Elle deviendra votre esclave à vie. Atakuwa mtumwa wako maisha yake yote. Njoo pale tunemkataliaga kwenda kubeba mandeni ya interest. Unabeba $100, utarudisha $200. Kama hauna shida kurudisha inakuwa 300. Una wewe ulibebaka $200. Bana kuanzisha mikanda ya kulipa $1,500. Shibubumbafu. La Bible est simple. Lomba, batakuwa. Lomba, utapewa. À toi qui as quelque chose, à celui qui demande, donnez. C'est pas la justice de la justice de Dieu. Nos amis ici, ne le craignez pas. Ah, j'ai dépassé, je m'arrête. On va continuer demain. Voyez frère. Ce n'est pas bien. Aina mzuri. Cultivons l'esprit de s'entraider. Tulamushe ali ya kusaidiana. Tu as quelque chose entre tes mains. Uona kitu mikono yako. C'est ton Dieu. Ni Mungu wako. Et le Dieu de cette église. Na Mungu wa kanisa. Qui veut que vous ayez quelque chose. Anapenda ukue na kitu. Pour aider les frères et les sœurs. Ya kusaidia banduku na badada. Afin qu'ils vivent avec toi. Juu wapate kuishi pamoja na wewe. Mkuchunga kurudia kwa Bwana. Hapana kuwafanya wanakuwa baole. Wewe bwana mfrere. Unaona mpendo anduku. Yeye mimi leja tu se plain. Wewe bado una nungunika. Bafrere kuna lomba lomba. Bafrere kuna kulomba lomba juu bana kuona huko na kakintu. Kama uko d'accord, tugeuze sasa tuanze kuomba uchombe. Ukuye na wewe sasa wale bafrere huko na lomba, tuone na wewe sasa kama utashikia bien. Tumwambie Mungu asema nono. Saivi ufrera shipende na dada apendake wa mulombe lombe. Umurandra kuye mashikini. Ande kukosa na nchumbi. Na mapapa ya kufuala. Ande kukosa. Sasa pale wewe utaanza kulomba na wewe. Jota yu sasa importansi ya mashikini. Kama bafrera weku na kulomba na batata weku na kuomba. Mana yake huko muchi, huko matunda. Ile matunda uko nayo aina yako ni matunda ya Mungu unavwana. Acha watoto wa Mungu wakuye eko wakushikia mwe ya embe abebe embe akurie. We unaisha konaka unaenda kumuchi ya embe embe na ukasaria aseme nono apana nipakula rinotesha ndio anapasha kunikuri. C'est Dieu qui a fait les pauvres. Mungu alipaba masikini na batajiri. C'est pourquoi soyez toujours miséricordieux. Mopé kila mara barema. Kama wewe unaona sema kukabula kuko nguvu. Alors Mungu akurandire bo mashikini na uanze kuomba, uone vile vitakui. C'est pourquoi Dieu commande que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Nous continuerons. Tutaendelea. Je pense juste qu'aujourd'hui tout le monde a compris. Na wazia paka hapa kila mtu anaelewa. Prions-nous tous ensemble. Tombe Mungu Shibote.